Bonjour mon prince adoré, tu vas bien? Dans ma boîte à messages ce matin. Oui ma princesse, j'espère que toi aussi. Et je t'envoie plein de bisous d'ici. Des pensées tendres et des rêves de futur qu'on partageait à travers le clavier. Et au fond de nous, chacun était sûr qu'entre nous deux, cela pouvait marcher. C'était nous deux, tous à une voix. Oui, c'était nous. C'était nous deux, t'en souviens-tu? Oui, c'était nous. On était heureux en ce temps-là, nous deux heureux. On était heureux, t'en souviens-tu? Je pense à toi, je t'embrasse, je t'aime. En toutes lettres sur mon GSM, moi aussi, bisous, bonne nuit à demain. S'écrit en réponse sur le tien. Des mots d'amour, des promesses de câlins qu'on s'échangeait le soir ou le matin. C'était un rêve, c'était insensé, mais nos cœurs avaient tant besoin d'aimer. C'était nous deux, tous à deux voix. Oui, c'était nous. C'était nous deux, t'en souviens-tu? Oui, c'était nous. On était heureux dans ce temps-là, nous deux heureux. On était heureux, t'en souviens-tu? Oui, c'était nous.